Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, la Commune de Paris, dernière révolution avant la République. Une série d'Anaïs Quien réalisée par Somani Na. Au départ de cette série, il y a une commémoration, une histoire qu'on ne connaît pas aussi bien que ce que l'on croit, et le rêve d'une vie meilleure qui se termine dans un bain de sang. Alors pour commencer, les personnages, une historienne qui crée des images, un autre qui raconte, un historien qui dit la guerre, un autre qui décortique, une historienne qui précise, un scénariste qui représente et une historienne face aux morts. Ensuite le décor, la faim, le froid, l'empire, la république, la guerre, des canons, Montmartre, des exécutions, des insurrections, la garde nationale, Versailles, des élections, des barricades et des extraits du documentaire légendaire de Peter Watkins, La Commune. Aujourd'hui, premier épisode, on parcourt les mémoires. Je considère l'insurrection de 1871 comme un crime abominable, un crime de lèse-majesté. Encore que je ne tienne pas pour également criminels tous ceux qui y prirent part. J'ai fait uniquement mon métier de journaliste. Je n'ai pas pris part à la Commune. Mais comme j'ai publié très nettement mon opinion sur Versailles, dont je trouvais la conduite odieuse, j'ai été accusé d'avoir provoqué la rébellion. La Commune, comme prise d'armes du peuple, a sa cause immédiate dans l'état d'esprit particulier qui a suivi le siège de Paris. Machiavel a remarqué que presque tous les grands sièges se terminent par des séditions. À vrai dire, il n'y a pas encore eu de révolution, de celle qui viendra ou ne viendra pas. Le 18 mars n'est qu'un prologue. 6 mois de souffrance et de trahison pendant le siège. 6 semaines de lutte gigantesque contre les exploiteurs coalisés. Les flots de sang versés pour la cause de la liberté sont nos titres de gloire et de vengeance. Quant à l'incendie de Paris, oui, j'y ai participé. Je voulais opposer une barrière de flammes aux envahisseurs de Versailles. Vive la Commune ! Vive la Commune ! Vive la Commune ! Vive la Commune ! La Commune de Paris, dernière révolution avant la République. Lorsqu'on évoque les 72 jours de la Commune de Paris, on pense à Louise Michel, à Eugène Varlin, à Courbet et à son dilemme, peindre ou faire la révolution. Il y a aussi ces barricades, l'incendie des Tuileries, l'air un peu fané du temps des cerises et la plaque du cimetière du Père-Lachaise sur le mur des Fédérés. La Commune de Paris, de mars à mai 1871, c'est un programme politique qui nous questionne encore, mais c'est aussi une guerre civile. Un de ces moments de l'histoire dont les nations rejettent le souvenir pour oublier qu'ici on s'est entretué sur ce que devait être l'avenir commun sous le régime tant attendu de la République en France. En mars 1871, les Parisiens sortent d'un sale hiver, une année terrible, celle de la guerre franco-germanique qui s'achève par un siège de la ville de 4 mois. Du 19 septembre 1870 au 28 janvier 1871, l'armée prussienne a encerclé Paris. Ses habitants étaient coupés de tout ravitaillement et de toute communication avec le reste du pays. On a tenté d'envoyer ou de recevoir des messages par la Seine, en ballon ou par pigeon voyageur, et tous les animaux de la ville étaient susceptibles de finir dans les assiettes des Parisiens affamés et assourdis par les bombardements ennemis. On a eu faim et froid, on a eu peur aussi. Napoléon III a perdu cette guerre qu'il avait voulu, et le Second Empire, la dernière monarchie française, s'est effondré avec lui. Une république a été proclamée à la va-vite, qui tarde à démontrer ses vertus protectrices et démocratiques, mais signe la capitulation de la France devant l'Empire allemand le 28 janvier. Alors que l'armée de Bismarck l'encercle encore, la ville lumière ne contient plus sa colère. Ce que je crains simplement, c'est que tout ça dégénère. En attendant, on ne sait pas où on ira. Et moi je dis que c'est pas possible que ça dure, ça va craquer, c'est pas possible que ça continue comme ça. Les gens souffrent trop, ils en ont assez. La Commune de Paris, une guerre civile. Anaïs Quien, Somani Na. Le contexte est particulièrement rude. Comme vous l'avez souligné, l'hiver 1870-1871... est très rude. Ludivine Bantigny. Parce qu'on n'est pas loin de la famine, on, on mange des rats. On en finit même par tuer les uns après les autres les animaux du jardin zoologique pour les manger. Il faut s'imaginer des femmes et des enfants à 2h du matin, à 4h du matin, dans un hiver glacial, attendant l'ouverture des boulangeries au petit matin. Donc voilà, faisant la queue devant les boutiques où il n'y a vraiment pas grand-chose de toute façon à manger. Donc il y a une grande, grande précarité de l'existence. Il y a un vrai problème aussi tout simplement de travail. Et donc, bon, c'est l'évidence peut-être, mais je pense que c'est toujours important de le souligner. Il n'y a pas de protection sociale à l'époque. Donc quand du jour au lendemain, on se retrouve sans ouvrage, pour reprendre l'expression de l'époque, eh bien, c'est la détresse absolue. C'est vraiment un désarroi très grand. Et puis, à ce facteur social, économique, où les gens, souvent les femmes, ce sont les femmes qui s'en occupent, doivent mettre leurs maigres biens au mont-de-piété pour en retirer quelques sous. Souvent, on met des manteaux, malgré le froid, c'est tout ce qui reste. Parfois, et souvent, on met aussi des matelas au mont-de-piété, donc au clou, comme on le disait aussi, ou chez ma tante, pour, voilà, encore une fois, avoir un peu de ressources. Et donc, c'est une situation extrêmement dure, extrêmement tendue. Jean-Louis Robert. Et c'est un peu l'exception. Il n'y a pas un autre 16, il n'y a pas la même situation nulle part ailleurs en France. Ça, il faut bien le concevoir. Ça vaut d'ailleurs à Paris, à l'époque, une certaine réputation. C'est peut-être un des moments où la nation se reconnaît le plus dans sa capitale, que 1870-1871, parce qu'il y a l'héroïsme de Paris qui tient, effectivement, pendant cette période. À partir de là, il faut quand même noter une spécificité pour bien comprendre les événements, c'est la spécificité parisienne. On pourrait dire qu'il y a ce que les historiens appellent un peuple de Paris, quelque chose d'un peu mythique. C'est un peu le peuple que Victor Hugo vient de raconter quelques années avant la Commune dans Les Misérables. C'est-à-dire que c'est un peuple qui est très épris de liberté, dans lequel il y a une grande masse de la population qui adhère à la République. On le voit bien dans le dernier référendum du Second Empire, où on vote massivement contre l'Empire, contre Napoléon III, à plus de 80% dans la capitale. Bon, on vote contre Napoléon III, mais c'est en fait aussi contre l'Empire et contre la monarchie. Donc on a cet esprit parisien. À voir dans les rangs cette barbe grise mêlée au menton imberbe et redingote à redingote, côte à côte avec les blouses. À voir ses pères, dont quelques-uns tiennent par la main leur petite fille glissée dans les rangs. À voir ce mélange de peuple et de bourgeois, improvisés soldats et prêts à mourir ensemble. On se demande s'il ne s'accomplira pas un de ces miracles qui viennent en aide aux nations qui ont la foi. Edmond Goncourt. Il faut s'imaginer l'atmosphère martiale dans Paris assiégé. C'est plus de 300 000 hommes dans la garde nationale, les troupes de l'armée régulière. Éric Fournier. Également les fortifications, c'est-à-dire à l'emplacement de l'actuel périphérique. Paris est sans doute la grande ville la plus formidablement fortifiée au monde à cette période. Donc c'est une atmosphère martiale. On rajoute à ça, évidemment, pour l'atmosphère martiale, le bombardement prussien, le siège, les privations de nourriture, etc. Et donc Paris est fier, en tout cas les membres de la garde nationale sont fiers d'être invaincus et ne supportent pas, vivent comme une trahison, la reddition opérée par la République, mais qui n'a de République que le nom, puisque la majorité est monarchiste, Adolphe Thiers est au gouvernement. Ils vivent comme une trahison cet arrêt des combats ordonné par la République. Enfin, par ailleurs, la guerre ne pouvait pas être gagnée, ça, on est d'accord, mais pour les Parisiens, c'est une humiliation. Et donc, ils se sont défendus seuls. Et maintenant, ils entendent non seulement ne pas rendre les armes, mais se gouverner seuls. Il y a, en fait, un triple contexte qui explique ce surgissement révolutionnaire du 18 mars 1871. C'est d'une part, encore une fois, ces conditions socio-économiques extrêmement précaires. D'autre part, une guerre perdue et le sentiment d'une capitulation infâme. Et enfin, la peur d'une trahison de la République. La peur qu'en fait, derrière les oripeaux de ce gouvernement qui a proclamé la République, en réalité se cachent des monarchistes, ce qui est le cas pour un certain nombre d'entre eux, puisque le chef de l'exécutif s'appelle Adolphe Thiers, et Adolphe Thiers, il a été l'un des principaux ministres de Louis-Philippe sous la monarchie de Juillet. Il a tâté de tous les régimes, Thiers. Donc il y a vraiment cette grave inquiétude à l'idée que la République puisse être trahie, et quoi qu'il en soit, cette République, elle est déjà considérée comme bafouée par ce gouvernement qui a capitulé et qui n'est en rien finalement républicain quant à sa politique véritable. L'ennemi, ce n'est plus les Prussiens. L'ennemi, c'est ce qu'on va appeler les Versaillais. Michel Vinocq. C'est l'Assemblée réactionnaire qui est dirigée par Adolphe Thiers. Et Thiers, par conséquent, se méfie de ce Paris, de cette effusion parisienne. Car à Paris, il y a des clubs, il y a des journaux, il y a tout un mouvement politique qui est délibérément hostile, n'est-ce pas, à cette assemblée. Il faut en finir avec cette menace. Et l'incident bien connu, le 18 mars 1871, le gouvernement d'Adolphe Thiers veut désarmer Paris de ses canons. Canons en grande partie entreposés ou parqués sur le sommet de la butte Montmartre. Et ces canons, ce sont plus que des moyens de défense. Ce sont des canons qui ont été forgés par une souscription populaire pour défendre Paris pendant le siège. Alors de fait, ce ne sont pas des canons de très grande qualité, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que, à nouveau, une part de la souveraineté est investie dans des armes. Donc les Parisiens ne veulent pas abandonner ni leurs armes, ni une espèce d'autogouvernement en ébauche, en gestation. Et dans la nuit du 17 au 18 mars, Thiers va faire en sorte de récupérer ces canons qui ont été transposés dans une très large mesure à Montmartre, sur la butte Montmartre. L'opération se fait donc dans la nuit, elle tarde et elle échoue. Elle échoue parce que c'est pas une mince affaire que de récupérer toute cette pièce d'artillerie. Il faut les faire descendre de la butte. Pour cela, il faut des attelages, il faut des chevaux. Il n'y en a pas eu assez. Et quand le jour se lève, les Parisiens qui se réveillent découvrent l'armée régulière en train de faire descendre les canons et une foule d'hommes, de femmes, d'enfants va se porter vers les soldats, les dissuader. Donc la foule monte, ils vont entourer les soldats, on leur dit mais qu'est-ce que vous faites, arrêtez, vous prenez nos canons, on leur donne à boire et à manger. L'armée était en état absolument pitoyable au niveau matériel à cette époque-là, hein, et les soldats mangeaient très mal. Donc on leur donne à manger, on leur donne à boire, on les entoure, et à ce moment-là, le général Lecomte qui est là, à un moment il dit non, c'est suffisant maintenant, il demande à la foule de se retirer, la foule refuse, il n'a pas fait tirer immédiatement sur la foule, hein, il a fait des sommations. Bien après ces sommations, la foule refuse toujours de reculer, de s'en aller, et bien il dit à ses soldats « feu ». Et c'est là le basculement toujours de l'histoire, parce que l'histoire c'est toujours imprévisible, un peu mystérieux, personne n'a prévu ça. Les soldats ne tirent pas, crosse en l'air. Et la révolution démarre. Télévision nationale Versailles, dernière heure. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est avec une douleur profonde que nous devons donner le récit des désordres dont Paris est le théâtre depuis hier. Nous venons d'apprendre avec horreur que les généraux Lecomte et Clément Thomas ont été sauvagement exécutés par la foule qui s'est interposée lors de la reprise des canons de la garde nationale à la butte Montmartre. Paris est donc aux mains des insurgés. Et il y a eu parmi les troubles de la journée deux exécutions de généraux qui donne à Thiers la justification de la guerre à faire à Paris. Une guerre civile. C'est-à-dire que, il n'emploie pas ce mot-là, mais de fait, Adolphe Thiers est décidé à reprendre le dessus, à mater Paris et à éviter évidemment la révolution dans tout le pays. Donc le sang a coulé, les autorités légales, le gouvernement de Thiers quittent la capitale. Donc en fait le Paris de l'ordre, ce Paris haussmannien qui était censé résister à toute forme d'insurrection, de subversion, etc., ce Paris haussmannien devient tout d'un coup une ville fantôme. C'est-à-dire qu'il reste les monuments, mais tous les services de l'État, ou presque, sont partis. Ils vont à Versailles, peu de temps avant, l'Assemblée était à Bordeaux, puis ensuite à Tours, puis Versailles. Bon, c'est proche de Paris, c'est aéré. Et donc le comité central de la garde nationale, c'est-à-dire l'état-major élu de la garde nationale, se retrouve maître de la ville sans l'avoir prévu. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de préméditation, il n'y a pas de complot de l'international ou de Marx ou de l'or anglais comme l'ont fait croire les Versaillais après. Il y a un surgissement de l'événement. Les Parisiens se demandent, mais qui a le pouvoir? Et ce n'est que dans l'après-midi que se réunit alors le seul pouvoir organisé par rapport à Versailles, désormais on va dire Versailles, c'est le comité central de la garde nationale. Maintenant, nous allons écouter le capitaine Lemonnier, avec respect et pas dans le bordel. Les avants. Citoyens. Allez-y mon capitaine. Notre garde nationale s'est organisée en une fédération pour faire face à un gouvernement de défense nationale qui a trahi nos aspirations. Qu'est-ce que c'est que la garde nationale? Oui, alors la garde nationale, donc, elle existe depuis longtemps. Mathilde Larère. Elle est née du désir des édiles parisiens en 1789 de se protéger contre deux choses. D'abord contre les armées du roi. Le roi avait fait masser autour de Paris des troupes et qu'on craignait donc la contre-révolution et la contre-révolution par la force. Donc pour protéger la révolution, les édiles parisiens se donnent une force de l'ordre. Ce qui est super important parce qu'en fait, c'est la première force de l'ordre qui est donc donnée contre le roi, ce qui est une façon de contester au roi le monopole de la violence légale et légitime. Et donc rien que sa création est en soi révolutionnaire. Donc c'est une vieille tradition de force de l'ordre citoyenne, toujours capable de passer de l'ordre au désordre, si on se place du point de vue des autorités, c'est-à-dire de passer d'un côté de la barricade à l'autre, et elle le sera pendant la Commune, hein, du côté de l'insurrection. Il faut imaginer qu'en mars 1871, c'est 300 000 hommes, organisés donc de façon militaire en compagnie, bataillon, légion. Rien qu'à Paris. Et en fait, le pouvoir va assez peu utiliser la garde nationale pour tenter des sorties ou des attaques lors du siège. Donc en fait, elle est dans Paris et elle s'ennuie. Et comme elle s'ennuie, elle se donne des tâches. Elle a commencé à s'occuper de ravitaillement, d'organisation des soins aux blessés. Donc elle se met à avoir des tâches de police au sens très large, c'est-à-dire aussi de gestion de la ville. Et ça va lui donner un rôle absolument central dans la ville, dans les quartiers. Et ça va justement la conduire à s'autonomiser et à se constituer en contre-pouvoir. La garde nationale réactive une mémoire longue des révolutions françaises que l'on peut dater de 1789, 1792, la patrie en danger, les volontaires, Valmy, etc., qui met en évidence la figure, non pas du citoyen soldat, c'est-à-dire du citoyen qui, sous les armes, obéit à des officiers, mais de ce que l'historien Louis Inquer a identifié comme le citoyen combattant, c'est-à-dire celui qui exerce sa souveraineté, sa citoyenneté, par une prise d'armes dans un cadre collectif, c'est-à-dire la garde nationale. Et ça, c'est très important, puisque avant 1848, il n'y a pas de suffrage universel masculin. Seule une poignée de la population vote. Et donc, la participation à la garde nationale est l'une des principales formes d'exercice de sa citoyenneté. Et ça, ça compte. Alors évidemment, sous l'Empire, le Second Empire, nous avions le suffrage universel masculin, mais nous n'avions pas vraiment la citoyenneté. Donc, cette possibilité, enfin, ou à nouveau, pour ceux qui ont connu 1848, de se sentir pleinement citoyen est très important au sein de la garde nationale. Donc il y a un lien très fort entre la prise d'armes et l'exercice de sa souveraineté. Je voudrais dire que si le peuple a montré son intelligence et son enthousiasme, l'organisation lui fait cruellement défaut. Notre rôle va être de mettre sur pied une armée parisienne efficace et qui marchera en bon ordre. Comment la garde nationale va entrer pleinement dans cette commune de Paris qui ne porte pas encore tout à fait ce nom au mois de mars, au tout début, mais quelles sont ses premières actions qui l'inscrivent dans le cadre de la commune de Paris ? Alors déjà, les canons que les différentes colonnes envoyées par tiers tentent de récupérer dans la nuit du 17 au 18 mars et dans la matinée du 18 mars sont les canons de la garde nationale. Donc que ce soit à Belleville ou à Montmartre, quand arrivent les forces de tiers, ils arrivent sur des champs de canons qui sont gardés par les gardes nationaux. Et donc les fédérés, parce que maintenant on les appelle comme ça, c'est les gardes nationaux, mais c'est le terme de l'époque est plutôt fédérés, sont là pour protéger les canons. Et pourquoi Adolphe Thiers désire-t-il retirer cet armement, notamment ces canons, du cœur de la ville ? Parce qu'il y a un gros conflit entre Paris, en tout cas une bonne partie de la population, et l'Assemblée de Versailles, l'Assemblée monarchiste, qui plus est, quelques jours avant le 18 mars, a pris une série de mesures extrêmement provocatrices. Elle a mis fin au moratoire des loyers. Quand même imaginer que les Parisiens, qui ont vraiment souffert hein, pendant le siège, qui est un moment de famine, qui est aussi évidemment un moment, les commerces, on peut pas dire qu'il se passe beaucoup d'argent hein, au moment du siège, et donc il y avait des mesures qui avaient été prises pour que justement on ne paye pas les loyers, pour que ne se rajoutent pas des charges en l'absence de recettes. Et l'Assemblée supprime ce moratoire des loyers. L'Assemblée aussi supprime, et c'est là que la garde nationale réintervient, la solde des gardes nationaux. Bonjour messieurs. Bonjour. Je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites. En ce moment, aujourd'hui, le peuple du 11e arrondissement de Paris reprend sa mairie pour s'occuper par lui-même, pour lui-même, de ses propres affaires. On prend le pouvoir pour lutter contre un gouvernement de traîtres. On ne veut plus se faire confisquer la révolution. C'est fini, 48, c'est fini. Maintenant, la révolution, on la fait maintenant avec tous les gardes nationaux. Il pense installer un régime à Paris, une municipalité qui donnera des pouvoirs aux Parisiens sans toucher au pouvoir national. Et donc effectivement, il y a un double mouvement. Un, il négocie par l'intermédiaire des maires d'arrondissement, Clémenceau et quelques autres, pour voir s'il est possible que Versailles accepte la révolution parisienne. Thiers dira non. Thiers très très vite ferme la porte et Jules Favre vont fermer la porte en disant il n'est pas question que Paris puisse élire sa municipalité suite à une insurrection qu'elle aurait faite. On voit qu'il y a beaucoup de prudence chez ces gardes nationaux, chez ces insurgés, puisque au lieu de se mobiliser et de foncer sur l'ennemi, ce qu'ils pouvaient faire et ce que Marx leur reprochera de ne pas avoir fait. Non, ils veulent rester dans la légalité. Le comité central veut mettre sur pied une commune de Paris qui soit représentante des citoyens et c'est pourquoi elle va procéder à des élections. Plus de 200 000 bulletins affirmèrent les pouvoirs de la commune. Ils n'avaient pas usurpé les pouvoirs comme l'avaient dit les Thiers, Jules Favre et compagnie. Le suffrage universel avait légalisé le drapeau rouge de l'émeute. Les membres de la municipalité parisienne allaient siéger pour la première fois depuis 1793. Cette fois, nous avions la commune. Au front des bataillons de marche, comme aux fenêtres, les drapeaux rouges flottaient et se mêlaient aux drapeaux tricolores. Devant l'hôtel de ville, une estrade avait été dressée pour les membres de la commune. Au milieu de la foule endimanchée qui les acclamait, les bataillons défilaient, descendant musique en tête. Trois coups de canon tirés à blanc retentissent. Le silence se fait. Un membre de la commune proclame les noms des élus du peuple. Un cri s'élève, unanime. Vive la commune ! Vive la commune ! C'est une seule endure d'une belle, donc que c'est beau ! Et t'as vu ? La République et la sociale enfin réunies, regarde le drapeau ! C'est magnifique ! Oh, quelle belle journée, je suis heureux, tu sais. Qu'est-ce qui va changer pour vous, monsieur? Tout va changer, j'avais jamais osé l'espérer. Tout va changer. Oh oui, allez, dansons. Merci. Et alors, les choses ne s'arrêtent pas là, parce qu'on est au 18 mars. Et au début, en fait, les membres du comité central qui sont emparés de l'hôtel de ville ne savent pas trop quoi faire. Quentin de Luermoz. Ils sont même plutôt prêts à laisser le pouvoir. Et on va avoir toute une semaine, qu'on appelle aussi la semaine de l'incertitude, pendant laquelle les différents acteurs vont essayer de s'entendre sans trop y arriver. Donc on va voir le comité central, les comités de vigilance, qui eux sont pour une république. De toute façon, tout le monde est pour une république à ce moment-là. Mais une république un peu radicale, hein, qui élit son propre maire, qui s'occupe de sa police, monte ses impôts, etc. On a en face Versailles, avec les députés, qui eux veulent simplement que la ville soit soumise aux règles de l'État national qui est en place. Et entre les deux, on a des députés de la Seine et des élus municipaux, dont Clémenceau, qui vont essayer de faire un arrangement, en quelque sorte, entre les deux. Donc ils vont, le 20 et 21 mars, hein, plaider la cause de la ville à Versailles. Alors c'est intéressant parce que ces élus et ces députés, eux aussi sont pour la République, eux aussi sont pour que la ville élise leur maire, mais ils sont pas tout à fait pour que les gardes nationaux élisent leurs officiers, qu'ils s'occupent de la police, que la ville génère ses propres impôts, etc. Donc c'est trois conceptions différentes en fait de la République, en quelque sorte, qui s'opposent à ce moment-là. Pourquoi il y a ce temps de latence? C'est que tout le monde a en tête juin 1848, et ça c'est très net dans tous les discours. On veut éviter la guerre civile. En fait, c'est un peu le paradoxe, c'est qu'on a une guerre civile qui s'installe avec l'espoir d'éviter la guerre civile. Et le grand changement a lieu autour du 22 mars, lorsque Jules Favre fait un discours extrêmement offensif contre Paris. Et à ce moment-là, c'est intéressant, quand on regarde les affiches, le ton se durcit très nettement du côté parisien. Et à Versailles, cette fois, les jeux sont faits, en quelque sorte. La majorité de l'Assemblée s'oppose clairement à Paris. Et donc, on attend le 26 mars, pour que des élections municipales soient mises en œuvre à Paris, ce qui fait qu'on a affaire quand même à des révolutionnaires élus, hein, c'est aussi une des particularités de cette commune de Paris, qui s'est appelée elle-même la République de Paris. Et au soir du 26 mars, hein, la sécession, cette fois, est complète, et avec la proclamation de la commune le 28 mars, la guerre civile, en quelque sorte, est ouverte. On a deux définitions concurrentes de la République et du pouvoir qui se font face. La guerre civile n'éclate pas tout de suite, pour plusieurs raisons. Ceux qu'on va appeler les communards ne veulent pas de cette guerre, ils veulent créer une commune, c'est-à-dire une commune autonome, qui se donne ses représentants, qui vote ses propres lois. Et par conséquent, ils ne veulent pas de la guerre, dans l'immédiat. Et en face, Thiers ne peut pas lancer ses troupes parce qu'il n'en a pas, ou plus exactement, parce qu'il n'en a pas beaucoup. Car les clauses de l'armistice avec Bismarck ont réduit considérablement l'armée officielle, d'une part en raison de tous les prisonniers qui sont très nombreux et qui ne sont plus par conséquent sous le drapeau français, et parce que l'armée a été réduite par la clause de l'armistice à une proportion de 100 000 hommes qui n'est pas capable de faire la guerre. Cependant, Thiers a bien en vue de réduire l'insurrection. Il prend son temps et, peu à peu, grâce à l'obligeance de Bismarck, qui va lâcher des prisonniers, qui va permettre à Thiers de disposer d'une armée beaucoup plus importante que ne le voulait l'armistice, et il va disposer à la fin de 130 000 hommes. Et ce n'est que quand cette armée sera véritablement constitué, reconstitué, c'est-à-dire au début du mois d'avril, que la guerre civile va véritablement commencer. Bataillon, à mon commandement, Cap-Bleu. Je vous rappelle qu'il y a un commandement préparatoire et un commandement d'exécution. Le commandement préparatoire vous permet de réfléchir à ce que vous allez faire. Rapport. Cette armée versaillaise, c'est une armée conventionnelle, oui, avec des uniformes, une armée tout ce qu'il y a de plus traditionnel, mais elle se retrouve face à une armée qui est d'une toute autre nature, Éric Fournier. Oui, alors qui a aussi des uniformes, ils en sont même assez contents de leurs uniformes, qui a aussi des uniformes, mais qui principalement réfute toute hiérarchisation, toute chaîne de commandement trop stricte. Donc ça, c'est intéressant puisque on a vraiment ici le citoyen combattant qui a du mal à distinguer la lutte pour l'exercice de la souveraineté, c'est-à-dire l'horizon politique, et l'exercice de la citoyenneté lui-même. C'est-à-dire les deux doivent aller ensemble. Sinon pour lui, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, en gros, la rigueur du moine soldat bolchevique leur aurait paru totalement anachronique, voire inconcevable. Donc c'est une armée qui ne peut combattre, qui ne peut être motivée que si elle exerce sa citoyenneté en même temps qu'elle lutte pour elle. Ce qui, d'un strict point de vue d'efficacité militaire, induit des lacunes en termes de chaîne de commandement, de hiérarchie, de communication, de liaison entre les unités, de choses comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quelques officiers supérieurs qui ont rejoint la commune, comme le colonel Rossel, et qui est désespéré, parce qu'il comprend pas. Et les communards ne le comprennent pas, finalement. Il y a une incompatibilité. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens soldats de métier qui ont rejoint la commune, qui sont plutôt des sous-officiers, d'anciens sous-officiers, et qui, eux, sont très contents de se battre comme ça, ou en tout cas n'envisagent pas d'imposer à la commune plus de discipline, alors que leur expertise militaire aurait pu les inviter éventuellement à plus de rigueur. Mais non. C'est une forme d'organisation militaire qui lutte, dit-elle, contre le militarisme. Et donc par ça, il faut essentiellement comprendre la hiérarchie des officiers, la morgue arbitraire des officiers, les ordres donnés sans explication, des choses comme ça. Cap-Bleu ! L'arme à la hanche. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes le 11 avril et nous assistons au départ pour le front d'un nouveau bataillon de la garde nationale. Oui, nous vous rappelons l'essentiel de l'actualité. Thiers a attaqué Paris. Des obus sont tombés jusqu'à l'Arc de Triomphe. Et le moral des troupes est bon, très très bon. Tout l'hiver, plus de 14 000 obus prussiens qui n'ont pas fait beaucoup de victimes mais qui ont en effet eu un effet absolument dévastateur sur le moral des Parisiens, qui littéralement s'endormaient au son de l'obus, et ça a contribué à souder les Parisiens autour d'une épreuve commune. Des banlieues entières sont en ruine à la fin de la commune de Paris, alors Neuilly, bon bah c'est comme ça, et surtout les banlieues du sud-ouest, puisqu'il y avait les forts d'ici qui protégeaient l'accès à Paris. Et dans Paris, des quartiers périphériques ont été très durement touchés. Autour de l'avenue de la Grande Armée, ça a été très bombardé, ainsi qu'autour de la gare d'Auteuil, dans le 16e arrondissement. Donc, le Paris historique, le centre-ville, ou le Paris du nord et du nord-est, a été très peu touché par les bombardements versaillais avant la semaine sanglante. En revanche, certaines banlieues donc finissent en ruine, ainsi que certains quartiers périphériques. Et là, on voit la violence de la guerre civile. Parce que, tout simplement, les Versaillais vont devoir faire ce que l'armée allemande n'a jamais envisagé de faire, c'est-à-dire une guerre des rues dans Paris. Donc ils approchent de Paris très prudemment, en détruisant des quartiers entiers, pour voir si c'est comme ça qu'on peut progresser. Et ensuite, puisqu'on parle de destruction urbaine, les Versaillais ont gagné parce qu'ils emploient une tactique de guerre, qui est la tactique du cheminement, qui avait été expérimentée en juin 1848, C'est une pratique de guerre urbaine que l'on retrouve encore aujourd'hui, donc qui est bien connue. Ça consiste à percer les murs et les cloisons des immeubles pour cheminer à couvert plutôt que d'avancer bêtement dans la rue. C'est une armée qui emploie une tactique de guerre extrêmement moderne qu'elle a elle-même expérimentée en juin 1848, 48 dans Paris, qui est aujourd'hui en matière de guerre urbaine, de Stalingrad à Mossoul en passant par Grozny, qui est la tactique principale de combat urbain. La rue était très agitée au moment où nous y pénétrâmes. Des barricades s'ébauchaient dans le style de 1848, toutes simplettes, sans prétention artistique, pour se défendre enfin. Non construites telles qu'un brillant décor théâtral comme il y en a eu dans certains quartiers de Paris, barricades sur lesquelles quelques gavroches avaient déposé des touffes d'herbe et de fleurettes des champs, qu'on allait visiter comme on visite un musée, un tableau de maître. Victorine Brochet. La Commune est l'apogée et le crépuscule de l'art de la barricade à Paris au XIXe siècle. Ces barricades, ce sont plus que des moyens de défense. C'est-à-dire que ça correspond à la mémoire des révolutions du XIXe siècle. Et donc, elles signifient la défense d'un espace approprié par les révolutionnaires. Donc, c'est plus que une nécessité tactique. C'est-à-dire que par la destruction de leur propre quartier, parfois de leur propre mobilier, parce que parfois on jette les quelques meubles pour édifier la barricade ou le matelas. Bon. Les insurgés signifient leur insurrection, leur détermination, et également l'espace dans lequel ils s'auto-gouvernent. Et au pied des barricades, en fait, vous pouvez avoir de nombreuses palabres politiques, discussions politiques, on peut prendre des décisions au pied des barricades. Et Victor Hugo avait cette expression « l'acropole des va-nu-pieds ». C'est un espace de défense et de démocratie directe. Alors, ces barricades, elles sont notamment faites par la commission des barricades, qui est dirigée par Napoléon Gaillard, père. Alors, il n'a pas de chance, il s'appelle Napoléon, il est républicain, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Et ce sont des barricades construites scientifiquement, géométriquement, enfin on dirait des fortins en fait, c'est très propre. Et elles sont situées essentiellement dans les quartiers bourgeois, puisqu'on sait que c'est par là que vont arriver les Versaillais. C'est là qu'on voit à quel point la mémoire des événements reconstruit l'événement, puisque le moment où des barricades ont été le plus efficaces dans une guerre urbaine révolutionnaire à Paris, ce sont les Trois Glorieuses de 1830. Les barricades de 1830 sont des barricades beaucoup plus sommaires, à peine ébauchées, beaucoup plus fluides, que l'on peut abandonner, que l'on peut réinvestir. Et du coup, ça crée un combat de rue beaucoup plus mobile. Alors que la sacralisation, finalement, politique de la barricade invite, en 1848, juin 48, puis 1871, à la défendre jusqu'à la mort. Pour mourir, une barricade, c'est très classe, si je puis me permettre. C'est-à-dire, ça fait une belle mort mémorable. En revanche, pour le combat urbain, force est de constater que ces magnifiques barricades se révèlent finalement assez peu efficaces. Sur la place de la mairie, j'ai vu des choses inouïes, dégoûtantes. Sur une pile de morts, il y avait une pauvre petite fillette qui pouvait avoir dans les 8 ans. Jolie, aux cheveux blonds bouclés. Un mauvais plaisant, sans doute, de cette troupe de lignards avinés, avait eu la monstrueuse idée de relever les jupes de la pauvre petite jusqu'à la poitrine. À quel degré de bestialité ces malheureux soldats étaient-ils tombés ? Comment se fait-il que cette commune de Paris, très soutenue, pas par l'entièreté du peuple parisien, mais par une large partie du peuple parisien, est perdu ce combat pour garder ce territoire communal parisien? Se pose tout de même la question, vu la violence des combats, de la détermination de l'intégralité des gardes nationaux. C'est-à-dire que beaucoup de gardes nationaux sont vraiment fiers d'exercer leur citoyenneté, sont très contents de toucher la solde des gardes nationaux, puisque je dis ça absolument sans aucun mépris, mais les activités économiques parisiennes ont été interrompues à partir du siège, et il faut bien se nourrir et nourrir sa famille. Donc pour beaucoup, la garde nationale est la garantie de pouvoir apporter le pain quotidien. Lorsque commencent les combats, les échecs militaires ou les déceptions militaires entraînent les premières tensions au sein de la commune, et il apparaît également que pour certains, la démocratie directe, l'autogouvernement local se révèle très local. Et donc l'idée d'aller à l'autre bout de la ville pour défendre son quartier leur apparaît pas forcément clair ou évident ou souhaitable. Jacques Rougerie, dans son livre sur le procès des communards en 1964, avait ressorti une phrase de l'espoir de Malraux qui résume bien la situation, c'est, disait-il, l'apocalypse n'a pas de futur. C'est-à-dire que la plénitude de s'auto-gouverner soi-même, d'être libre, d'être indépendant, avait aussi comme conséquence parfois de ne pas forcément penser de façon plus stratégique ou d'ouvrir un peu son point de vue. C'est-à-dire que l'intensité du temps vécu pouvait aussi faire écran à des sacrifices à faire pour pouvoir prolonger cette période. Les Versaillais sont plus prudents, plus disciplinés. Enfin bref, c'est un rouleau compresseur qui avance lentement. Donc lorsqu'ils rentrent porte de Saint-Cloud, c'est assez bien vu puisque c'est un quartier d'abord peu peuplé mais plutôt bourgeois dans lequel il n'y a pas de communards locaux. Donc ce sont les communards qui ont accepté de se porter à la défense au rempart. Je continue ma route. Je traverse le canal. Dans mon parcours, je vois des horreurs. On veut me forcer d'enlever des pavés. Je traverse la place du château d'eau, même tableau sur tout mon parcours. Les faibles, les lâches et les vainqueurs hissaient des drapeaux tricolores à toutes les fenêtres pour éviter l'invasion de l'armée versaillaise. Je descends la rue du Temple, la rue Turbigo. Je me trouve à l'entrée de la rue Saint-Martin. Dans toutes ces rues si agitées la veille, il régnait un silence de mort. De place en place, des militaires, l'arme au bras, marchent de long en large. Excepté eux, il n'y a pas un chat dehors. Tandis que les jours précédents, il avait plu, ce jour-là, le soleil brillait sur toutes ces choses macabres. Victorine Brochet. Comment faire pour représenter cette semaine sanglante, cet événement qui clôt la Commune de Paris, puisque c'est son écrasement, qui est d'une violence extraordinaire? Moi, j'ai essayé de représenter la semaine sanglante de deux manières. Raphaël Messant, graphiste et scénariste. D'une part, à travers les combats de rue, qui durent donc pendant 8 jours, du 21 au 28 mai 1871. Donc ça, c'est vraiment... Je l'ai montré de jour en jour et presque d'heure en heure parfois. Et puis, il y a un deuxième temps, c'est le temps des massacres. Ça, c'est la fin des combats. Quand un quartier tombe, eh bien, l'armée prend possession du quartier, fait des rafles dans les immeubles, voit ceux qui ressemblent à des insurgés, des gens qui pourraient, par exemple, avoir les mains un peu noires, des gens qui ont des mauvaises mines, et les arrête, soit les exécute directement contre un mur, soit les font passer devant des tribunaux d'exception, des tribunaux militaires qui quadrillent Paris. Il y en a de très nombreux dans Paris. Il y en a un qui est très connu, celui qui était dans l'actuel théâtre du Châtelet, où des centaines et des centaines de personnes sont arrêtées, passent devant un militaire qui les juge en quelques minutes, qui leur dit passez à gauche, passez à droite. D'un côté, ce sera en direction de Versailles, dans les prisons, et de l'autre côté, ce sera en direction de la caserne Lobo, une caserne militaire juste derrière l'hôtel de ville, où ils seront exécutés massivement. Et ils seront enterrés à la va-vite à nouveau, dans le square de la Tour Saint-Jacques, temporairement, puisqu'ils seront déterrés quelques semaines plus tard pour être emmenés dans des cimetières autour de Paris. Des incendiaires enrégimentés ont dû mettre le feu aux maisons l'une après l'autre avec du pétrole et des torches. À droite et à gauche, tout est ruiné et brûlé. La tristesse et la fatigue nous gagnaient. Et nous nous dirigeâmes non pas vers le bateau qui devait nous faire traverser la Seine dont le pont est rompu. Arrivés sur l'autre rive, nous nous retournâmes. Saint-Cloud, avec ses maisons sans toit, et la blancheur morte de ses décombres ressemblait à un grand cimetière dominé par sa chapelle funèbre. L'église épargnée seule veillait sur ce cadavre de ville. Théophile Gautier. Les les communards qui ont décidé de se battre jusqu'au bout se sont battus jusqu'au bout, mais ils étaient isolés les uns des autres, et c'est dans ces circonstances qu'a lieu l'incendie de Paris. Et ça montre leur détermination. Les communards, comprenant que les Versaillais finissent par passer par les immeubles en perçant les cloisons, décident d'incendier certains immeubles pour retarder cette progression. Alors quand je disais ça dans des conférences, parfois on me le reprochait comme si « Oh non, les communards ne peuvent pas avoir voulu détruire la ville éternelle, etc. etc. » Mais bon, il y a bien qu'aux communards qu'on reproche ça. Personne n'a reproché aux Polonais d'avoir brûlé Varsovie face aux nazis. Personne n'a reproché à Stalingrad d'être devenu un champ de ruines, mais il n'y a vraiment qu'aux communards qu'on reproche ça. Alors sans doute, faut-il y voir le mythe de Paris, ou justement ce Paris qui doit à tout prix attirer les touristes encore aujourd'hui. Mais donc voilà, les communards préfèrent sauver la révolution plutôt que la ville. D'où les incendies vécus, conçus comme des barrières de flammes, selon les mots de Louise Michel face à ses juges. D'ailleurs, la seule face à ses juges à assumer ses actes comme tels, ses co-accusés, tous des hommes, n'ont pas eu le même courage. Donc, malgré une détermination sans faille qui va jusqu'à l'incendie de leur propre ville pour arrêter les Versaillais, les communards se retrouvent encerclés, dispersés et finalement massacrés, avec cet effet aussi de l'incendie de Paris qu'ils n'avaient pas pu prévoir. C'est que l'incendie de Paris est sans doute ce qui fait basculer les soldats versaillais ordinaires dans une haine froide envers les communards. C'est-à-dire la plupart des soldats versaillais étaient des recrues inexpérimentés. Pas tous, hein, mais beaucoup. Il y avait une importante propagande du gouvernement de Versailles, dans les casernements de Versailles, on leur faisait lire des journaux réactionnaires, etc. etc. Bon. Mais ils ne sont pas forcément très très motivés au début des combats, et tout de même fort possible, si l'on en croit certains témoignages, et parce que l'incendie de Paris les est définitivement combattu, qu'ils sont en train de conjurer une apocalypse rouge et que ce travail doit être fait. Est-ce qu'on a aujourd'hui, Laure Godino, une idée un peu claire du nombre de victimes de la Semaine sanglante ? Non. Non. Il y a encore beaucoup de débats sur cette question des victimes de la Semaine sanglante. Alors, après la Commune, on a parlé de 30 000 morts, hein, de fusillés pendant la Semaine sanglante. Au moment de l'amnistie, on dit 30 000, parfois 20 000. Après, on a repris des chiffres qui dit 17 000. Et puis, récemment, il y a une dizaine d'années, un certain nombre d'historiens, notamment des historiens anglo-saxons, dont Robert Toombs, ont minoré ce chiffre. On est allé jusqu'à dire qu'il y aurait eu 10 000 morts, voire moins de 10 000 morts. Ce qui est déjà un chiffre considérable. Oui, mais ça pose problème, hein, parce qu'entre moins de 10 000 et 20 000, il y a quand même une marge importante. Puis il ne faut pas oublier que c'est des gens qui sont morts, hein, quand même. Donc c'est pas simplement des chiffres. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce qu'il y a derrière cette guerre des chiffres. Hein, pour Robert Toombs, l'idée, c'est que un chiffre, alors bas, 7000, ça reste quand même l'un des, enfin, le plus grand massacre de civils de l'histoire européenne, en tout cas de l'Europe de l'Ouest. Mais ça correspond mieux à une armée qui serait mieux contrôlée et qui a fait face à une armée de Paris qui était plus efficace que ce qu'on a dit. Ça sert un peu à ça. Et l'idée, c'est de s'opposer à la vision qu'on a eue d'une armée versaillaise qui serait composée de paysans soudards, ravinés et brutaux. Sur le terrain, les troupes commandées par les officiers les plus conservateurs et les plus royalistes sont celles qui ont le plus tué. Ceux qui sont commandés par des officiers plus républicains tuent moins. Mais on a des exactions qui sont effectivement absolument terribles sur place. Après, la question peut se poser, parce qu'on sait très bien qu'une armée bien formée qui tue, qui alors au lieu effectivement de tuer au couteau derrière les barricades, de fusil, fait pas forcément moins de morts. C'est pas parce que l'armée est plus moderne qu'elle fait moins de morts, au contraire même. C'est en ce sens-là que le débat, à mon sens, va être encore un peu prolongé. Le massacre des Parisiens à Paris entre le 21 et le 28 mai 1871 est resté dans les mémoires comme un long martyr, si vous voulez, de la classe ouvrière. Ce qui reste impardonnable, peut-être, de la part de ces communards et de ces communardes, n'est-ce pas aussi d'avoir été à l'origine d'une guerre civile? En fait, les républicains emploient beaucoup ce terme de guerre civile, plus que d'insurrection. Parce que dans le terme de guerre civile, il y a effectivement l'idée de guerre fratricide, et donc de nations divisées. Alors que dans l'idée d'insurrection, il y a l'idée d'insurrection pour un projet, projet politique, projet social, et puis de révolte. Le terme de guerre civile, d'une certaine façon, occulte cette idée d'insurrection, et en même temps insiste sur le fait qu'il y a deux camps opposés, et que ça a mené une lutte fratricide. Et c'est tout l'objet d'ailleurs du discours de Gambetta au moment de l'amnistie, puisque son discours, donc il prononce en juin 1880 pour donc inciter les parlementaires, et en l'occurrence les députés, hein, puisqu'il est président de la Chambre des députés, à voter l'amnistie, c'est de mettre fin, dit-il, à ce haillon de guerre civile, c'est-à-dire de réconcilier la nation en république en oubliant la guerre civile. Et ce que les républicains mettent en avant et ce qu'ils reprochent à ces communards, c'est cette guerre civile. C'était La Commune de Paris, une guerre civile. Avec Mathilde Larère, Éric Fournier, Ludivine Bantigny, Jean-Louis Robert, Quentin Deluermoz, Raphaël Messant, Laure Godineau et Michel Vinocq. Lecture, Charlotte Zotto et Philippe Saïd. Prise de son, Yann Frécy et Marie Le Peintre. Mixage, Claude Niort. Coordination, Perrine Carbran avec Marie-Vonne Abolivier. La Commune de Paris, une guerre civile, un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Soumanina. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter sur les fortifications, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast, sur l'application Radio France, et pour nous parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pendant 15 jours, grâce à Tank, notre partenaire, vous pouvez voir La Commune, le documentaire légendaire de Peter Watkins, tourné avec des amateurs dans un hangar de Montreuil. Il y a d'ailleurs des extraits du film dans la série et un lien tout exprès sur la page de l'émission. Demain, deuxième épisode, La Commune, plus belle la vie. Mais en attendant, restez à l'écoute. Let me take it to the mind.